on, come on, get select tonight. And fresh as a move from the top to the very last drop. Music I'll take all night. On monte sur le ring, prêt à boxer l'instru. Moins y'a que le rap pour m'instruire. Aucune autre solution que d'être agressif. Marre d'être condamné, c'est à la France que le message est adressé. Délaissé par Sarko et tout ça. Depuis le début manipulé, les jeunes sont visés. Trop de rage sur nos visages. On débarque pour se faire entendre. Rafale vocale, c'est le groupe qu'on vient défendre. On vient poser la bombe sonore. C'est pour mes honneurs et les frics jaunes. Honor, bienvenue là où ça se bagarre. Garder sa place là où entre ennemis les regards se glacent. Laisse-moi, je prends place. Laisse-moi. Rafale vocal skins, venu te braquer sans laisser de traces. La haine est présente dans chacune de mes phrases. Et ceux qui se la jouent trop sans faire exprès, je les écrase. On vient poser le sang, attends-toi à ce qu'ils retentissent. Et dans tous nos écrits, on restera authentique. Authentique, authentique. On débarque, rafale vocal et skins. C'est nos regards qui font texte, qui vont t'expliquer. C'est dans le sang qu'on s'exprime. On débarque, trop tranquille dans le vice. On débarque, rafale vocal et screen. C'est nos regards qui font texte, qui vont t'expliquer. C'est dans le son qu'on s'exprime. On débarque, trop tranquille dans le vice. Moi je rappe pendant que toi déconnes. Je débarque alors beaucoup somnolent. Pendant que toi décolles, des frères charbonnent. Frère c'est la wa. Fais pas faux bon, ici c'est strict zone, un strict des gommes. Plongé dans l'eau, même Sarko veut nous voir mettre un pied dans la tombe. Sans pas le corps, j'perce pas, j'enflamme. J'te mets la foule en désaccord, débarque. Braille pas, crame pas, remets en place tous ceux qui sont pas d'accord. C'est skins et rafale vocal, je le répète, c'est la war, frère. Plaquez-vous dans les bunkers, trop d'amertume dans le cœur. T'étonne pas si ça avance à contre-cœur, ok. Regarde la réalité en face, la vérité l'ont caché dans les chats. Alors fais pas ta pute, fils, moi j'suis trop gamberché sur la vie. En 2008, j'débarque avec trop de vis, trop de chips, trop de crimes. Coincé sous la carotide. Coincé sous la carotide. On débarque, rafale vocal et screen. C'est nos regards qui font texte, qui vont t'expliquer. C'est dans le son qu'on s'exprime. On débarque, trop tranquille dans le vice. On débarque, rafale vocal et screen. C'est nos regards qui font texte, qui vont t'expliquer. C'est dans le son qu'on s'exprime. On débarque, trop tranquille dans le vice. Pour désamorcer la bombe, mon flow est à clasher, on dégomme. Ceux qui se croient la tête du monde, on débarque. C'est un moyen de se débonce. Tu veux voir, on t'embarque. Sinon, on t'enfonce. Te prends pas au jeu, les grosses vont aussi mal que les ronces. Même endormi, je garde un œil ouvert. Dédié à ceux qui parlent avec le revolver. Révolté, qui tournent jamais le dos. Je vais faire direct que présenter mon vieil. Mange avant que tu sois rassasié. En Dalkar et VIP, on est là. DSS 137 de vérifier. On est les héritiers des aînés. Frère, c'est un honneur. On compte bien réveiller. Regarde bien le compte. Déguste la puissance du moteur. Ici pas d'amateur, section professionnelle. Si tu veux d'aide mon pote, on débarque encore. T'es pas d'accord donc t'es notre 3. Est-ce que d'alligator tu veux quoi? Dans l'un 3, on débarque du sud au nord. On débarque, rafale vocal et screen. C'est nos regards qui font texte, qui vont t'expliquer. C'est dans le son qu'on s'exprime. On débarque, trop tranquille dans le vice. On débarque, rafale vocal et screen. C'est nos regards qui font texte, qui vont